Nous allons écouter Vadebré, qui est doctorant à Sophia-Paul et prépare une thèse sur l'étude des phénomènes d'auto-organisation. tu peux, en fait, je vais parler. Sur les phénomènes d'auto-organisation dans le champ social et politique. Et qui nous parlera aujourd'hui d'attentes normatives, attentes cognitives chez l'humain, ordre social et contrôle social. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Thomas et Catherine de m'avoir invité à ce colloque qui me permet de travailler en fait sur des notions qui de plus en plus prennent de l'importance dans les travaux de recherche. Donc, il s'agit dans cette communication d'étudier certaines des analyses que Luhmann a consacrées à la notion de norme. Je voudrais montrer que cette étude nous place au cœur d'un questionnement sur la possibilité de l'ordre social moderne. C'est en effet au sein d'une enquête sur ce en quoi consiste la modernité que Luhmann travaille sur cette notion. Or, dans cette perspective, Luhmann se prête en fait à une analyse critique de la notion de norme. Selon Luhmann, l'évolution de la société se caractérise par une diminution du contrôle que la société exercerait sur l'individu. Fort de ce constat, Luhmann en vient à interroger la pertinence des théories, je cite, « centrées sur les normes », en l'occurrence, d'une part, la sociologie de Durkheim et celle de Parsons, et d'autre part, la tradition du droit naturel. Corrélativement, il en vient à envisager d'autres solutions que celles fournies par la notion de norme pour résoudre son problème. Dans cette perspective, Luhmann place la notion de norme au sein de sa théorie sociologique dans une place dérivée et secondaire. Cette redéfinition de la place de cette notion est rendue possible du fait que Luhmann pose le problème de l'ordre social en termes de réduction de la complexité. Le problème de la réduction de la complexité est celui, pour Luhmann, de la généralisation et par là même de la stabilisation des attentes comportementales. Et à partir de ce concept de généralisation, Luhmann définit les normes comme l'un des deux types d'attentes généralisées. Les normes sont tout d'abord, selon Luhmann, des attentes normatives, l'autre type d'attente étant celui des attentes cognitives. Ce faisant, Luhmann trouverait des outils conceptuels nouveaux pour rendre compte de la possibilité de l'ordre social moderne et n'aurait pas à recourir uniquement à la notion de norme. On ne pourrait cependant pas s'en tenir là. Luhmann, en effet, n'évacue pas totalement la notion de norme dans son analyse de l'ordre social moderne et de ses conditions de possibilité. Mais, excusez-moi, vous pouvez juste un peu fermer la fenêtre. Merci. Merci beaucoup. Mais, donc, pour revenir sur la notion de norme, c'est désormais d'une autre manière que les normes opèrent au sein des sociétés modernes selon Luhmann. La généralisation des attentes normatives, notamment au sein du système du droit, est conçue dans cette perspective comme étant dépendante d'un mécanisme d'institutionnalisation. Or, Luhmann prend soin de préciser que ce dernier ne consiste pas en une contrainte sociale ou une détermination sociale du comportement. De cette manière, on comprendrait dans quelle mesure l'ordre social moderne peut encore reposer sur des normes. Je voudrais juste, avant de passer à la présentation des parties, préciser un enjeu, en fait, de cette analyse pour Luhmann. Luhmann, à la suite de Durkheim, s'attache à reconnaître une autonomie, une réalité spécifique, réalité sui generis, aux phénomènes sociaux. Toute la difficulté tient, selon Luhmann, cependant, à ce que l'on se réfère en général à la pensée durkheimienne pour affirmer que cette dernière idée d'autonomie est solidaire d'une autre, en l'occurrence l'idée d'un contrôle social, un contrôle que la société exercerait sur ses membres. En reconnaissant à la société une réalité spécifique, c'est-à-dire en considérant qu'elle se distingue des individus qui la composent, il semble difficile de préserver la possibilité pour ces individus d'un affranchissement par rapport au contrôle que la société pourrait exercer sur eux. Donc, dans cette communication, nous verrons dans un premier temps dans quelle mesure, selon Luhmann, l'apparition des sociétés modernes coïncide avec une diminution du contrôle social sur l'individu. Et dans cette perspective, on s'attachera à comprendre pourquoi une théorie sociologique centrée sur les normes n'est pas en mesure de répondre de manière satisfaisante, selon lui, au problème de la possibilité de l'ordre social moderne. Nous nous pencherons dans un deuxième temps sur la conception luhmannienne des normes, produite à partir du concept de généralisation des attentes que j'ai déjà esquissée ici. Et nous nous pencherons sur l'exemple fourni par le système économique au sein duquel la stabilisation des attentes repose sur des attentes cognitives seulement. Enfin, dans un dernier temps, nous nous pencherons sur le phénomène d'institutionnalisation des normes juridiques au sein des sociétés modernes. Donc, pour commencer, Luhmann considère qu'au sein des sociétés modernes, qui se caractérisent par un phénomène de différenciation fonctionnelle, les normes ne peuvent plus détenir un rôle aussi important dans le maintien de l'ordre social qu'auparavant. Luhmann pose le problème de la possibilité de l'ordre social moderne de la manière suivante. Là, je cite la préface que Luhmann a rédigée, a publiée à la première traduction allemande de la division du travail social de Durkheim. Comment les individus qui agissent de manière indépendante et qui sont aptes à prendre des décisions ou à se décider, peuvent-ils constituer une relation sociale ou un système social ? En d'autres termes, comment l'ordre social est possible alors que les individus peuvent choisir chacun pour soi leurs actions ? Luhmann pointe dans cette préface le fait que Durkheim se poserait ce même problème sans y trouver néanmoins une solution satisfaisante. Alors, explicitons en quoi consiste ce problème et je voulais juste préciser qu'ici on ne demandera pas si Luhmann est fidèle à la pensée durkheimienne et d'ailleurs lui-même considère en l'occurrence qu'il reformule un problème que Durkheim n'aurait pas quant à lui réussi à formuler clairement. Donc l'idée importante que souligne Luhmann ici, c'est que Durkheim prendrait acte, dans sa description des sociétés modernes de la division du travail social, d'une diminution du contrôle social sur les actions des individus. Durkheim aurait cependant, dit Luhmann, ouvert la voie, mais se serait arrêté en route, n'aurait pas trouvé une solution à ce problème. Alors Luhmann et Durkheim rendent compte tous deux de l'apparition d'un phénomène de différenciation qui serait propre aux sociétés modernes. Durkheim, dans De la division du travail social, montre ainsi que l'évolution de la société va dans le sens d'un accroissement, d'un développement des différences individuelles de ses membres. Et à cet égard, il considère que le modèle de la division du travail permettrait, une fois que l'on aurait dépouillé cette notion de sa signification strictement économique, de rendre compte de ce phénomène de différenciation. Et cette dernière consiste en une différenciation de fonctions ou encore de rôles que les individus sont appelés à remplir. Or, pour que ces différences individuelles apparaissent, il est nécessaire que la conscience collective, donc définie comme l'ensemble des croyances et des sentiments communs à la moyenne des membres d'une même société, et qui donne sa définition à la société, du moins dans les sociétés anciennes, donc il est nécessaire que cette conscience collective laisse découverte une partie de la conscience individuelle pour que s'y établissent ces fonctions spéciales, donc différentes, qu'elle ne peut réglementer. Luhmann rend compte, lui aussi, d'un phénomène de différenciation qui apparaît au sein des sociétés modernes. Mais son modèle de différenciation fonctionnelle est différent. Avec cette différenciation, chaque individu en vient non pas à remplir un rôle, mais à remplir plusieurs rôles dans différents sous-systèmes dans lesquels il est amené à évoluer. Cette multiple participation dans les différents sous-systèmes fonctionnels, selon Luhmann, n'a pu apparaître qu'en raison d'une diminution du contrôle exercé par la société sur les individus. Pour penser cette multiple participation, l'individu ne doit plus être assigné à aucune fonction en particulier et doit pouvoir s'en soustraire. Si Luhmann et Durkheim n'envisagent pas de la même manière ce phénomène de différenciation qui caractérise, selon eux, la société moderne, Luhmann considère néanmoins qu'il s'accorde avec Durkheim dans cet ouvrage sur les conditions de cette différenciation, et en l'occurrence, la société moderne se caractérise par une emprise moindre de la société sur l'individu, donc un contrôle social pesant moins fortement sur les individus. Or, Luhmann tente à mettre en évidence que les normes, on y arrive, exerçaient ou exprimaient ce contrôle social dans les sociétés anciennes. Dans cette même introduction à l'ouvrage de Durkheim, Luhmann ne définit pas à proprement parler ce que signifie norme. Mais ce que l'on peut déjà cerner, c'est qu'au cœur de la notion de norme se trouve un Sollen. La norme indique à chacun ce qu'il doit faire. On peut également, dès à présent, ici, introduire la notion d'attente pour définir en quoi consiste une norme. En effet, l'individu qui prend connaissance d'une norme accède par là à ce qui est attendu de lui. Alors, nous verrons plus loin comment Luhmann repart de cette notion d'attente et la retravaille de manière à ce que cette notion d'attente ne soit pas nécessairement envisagée dans sa dimension normative. Et comme ça peut être notamment le cas chez Parsons. Mais par là, on n'a pas cependant montré en cela en quoi la norme peut manifester un contrôle de la société sur l'individu. Et Luhmann, dans cette même préface, emploie en fait souvent indifféremment la notion de norme et celle de morale. Alors notons dès à présent qu'il faudra se demander si Luhmann les considère systématiquement comme équivalentes ou dépendantes l'une de l'autre. En l'occurrence ici, c'est le cas dans ce texte-là. On pourra ici se référer à ces indices pour cerner en quoi les normes peuvent exercer un contrôle social sur l'individu. Luhmann tente en effet, alors notamment dans la division du travail social et dans les systèmes sociaux, à se pencher indifféremment sur les normes et la morale, pointant en fait dans les deux cas l'idée d'un contrôle social. Dans quelle mesure ? On peut se pencher sur la définition de la morale qu'il donne dans les systèmes sociaux, le chapitre Interpénétration. Je cite « Toute moralité se réfère ultimement à la question de savoir si et dans quelles conditions les êtres humains s'estiment ou se mésestime. » Je continue. Or, par estime, qu'est-ce que signifie estime ? Nous entendons une reconnaissance et une évaluation généralisée qui honore le fait qu'un autre correspond aux attentes que l'on croit devoir présupposer pour la continuation des relations sociales. C'est-à-dire ici que les normes reposent en dernière instance sur la moralité, manifestent par là un contrôle social sur l'individu. À la fin de par ces relations d'estime et de mésestime. À la fin de systèmes sociaux, Luhmann remet en lumière ce qu'il appelle le regard inquisiteur, donc ce regard qui approuve ou qui désapprouve, que les individus peuvent exercer les uns sur les autres. Regard qui soutient les normes et leur confère un rôle contraignant dans les conduites des individus. On comprend alors qu'il aura fallu que la morale cesse de jouer le rôle qu'elle jouait autrefois pour que la société se différencie fonctionnellement. Si les êtres humains craignaient encore la désapprobation d'autrui à chaque fois qu'ils désiraient se comporter autrement que ce qu'autrui dans telle ou telle situation attend d'eux, ils ne pourraient pas, ou du moins difficilement, agir différemment ou d'une manière qui contredit ce que l'on attend d'eux dans cette situation particulière. Ils ne pourraient pas adopter plusieurs rôles, ils ne pourraient pas participer à des sous-systèmes différents. Dans une société moderne, chacun des individus est amené à évoluer, comme je l'ai dit, dans différents sous-systèmes. C'est-à-dire que je remplis des rôles différents selon que je participe au système familial, ou au système économique, ou encore au système de la recherche. Et si j'étais à proprement parler lié ou tenu à des normes en vigueur dans l'un de ces sous-systèmes, alors je ne pourrais pas participer à d'autres. Pour penser donc un tel détachement, il faut que l'on puisse penser qu'en droit, l'individu peut se comporter et se percevoir lui-même autrement que sous un regard nécessairement approbateur ou désapprobateur. De ce fait, les normes ne peuvent plus fournir l'ultime, je le cite Luhmann, explication de la facticité ou de la possibilité pure et simple de l'ordre social. En raison de cette diminution du contrôle social sur les individus, ceux-ci en viennent à adopter des comportements qui non seulement diffèrent d'un individu à un autre, mais qui diffèrent d'un instant à l'autre chez un même individu, selon le sous-système dans lequel ils vont évoluer. C'est-à-dire que leurs modes de vie sont caractérisés par leur variabilité. Or, la morale, pour s'exercer, suppose une unité dans ses modes de vie et de comportement. Si ces conditions ne sont pas remplies, dès lors, la morale et les normes qu'elle soutient seront en fait porteuses de conflits, selon Luhmann. Ici, on pourrait se demander si cette explication suffit. En effet, la morale ne pourrait-elle pas justement opérer comme un facteur d'unification des modes de vie et de comportement, de par le contrôle social qu'elle exercerait ? Ici, il faut indiquer que l'un des présupposés de Luhmann, pour lui, l'évolution sociale va dans le sens d'une réduction du contrôle social sur les individus et elle semble irréversible. De ce fait, le regard désapprobateur d'autrui sur mes propres comportements, de ce fait, ne pourra plus jouer comme un facteur de contrôle social. Dans cette situation, Au lieu de me conformer à ce que autrui m'enjoint de faire, j'entrerai plutôt en conflit avec lui, car je décevrai les attentes qu'il forme à mon égard. Donc, dans la mesure où dans la société moderne, les hommes sont libres de choisir leur comportement, ils auront la liberté de ne pas suivre les normes que d'autres suivent. Dans ce cas, la norme des uns mène à la déception des autres. C'est-à-dire que les normes que certains hommes suivront se verront nécessairement contrariées par celles d'autres, et cette situation mènera nécessairement au conflit. Par ce renversement, Luhmann parvient ainsi à envisager une voie, à mon sens, surprenante pour répondre au problème de la résolution ou de l'apaisement des conflits au sein de la société. Les normes apparaissent ici, en fait, être la cause principale des conflits au sein des sociétés modernes, alors que, notamment chez Durkheim, elles paraissaient constituer un moyen de les empêcher. On se souvient ici de la discussion durkheimienne des thèses de Spencer dans la division du travail social sur la solidarité contractuelle. Mais selon Durkheim, sans contrôle social, éclateraient sans cesse des conflits. Luhmann, cependant, ici, met en avant le fait que ce qui, auparavant, exerçait un contrôle social ne peut désormais plus l'exercer et est bien plutôt source de conflits au sein des sociétés modernes. De ce fait, il est nécessaire de se demander comment l'ordre social est possible dès lors qu'on ne peut plus le faire reposer en dernière instance sur des normes. Toute la difficulté consiste en ce que, selon Luhmann, la tradition sociologique tente à lier indissociablement l'ordre social à des normes et n'a pas été en cela en mesure de trouver une autre solution au problème de la possibilité de l'ordre social. Et donc pour sortir de cette difficulté, Luhmann va redéfinir ce problème de la possibilité de l'ordre social. Je passe maintenant à mon deuxième moment, où je considère comment chez Luhmann le concept de norme est envisagé au prisme du problème de la réduction de la complexité, c'est-à-dire de la généralisation des attentes. Là, je cite Luhmann, il s'agit pour lui d'introduire, je le cite, le concept de norme dans une position secondaire et dérivée, programme de systèmes sociaux. De cette manière, Luhmann pourra envisager d'autres candidats que les normes et la morale pour rendre compte de la possibilité de l'ordre social. Alors, dans quelle mesure est-il capable de le faire ? C'est tout le problème. Cette place secondaire s'explique par le fait que Luhmann prend pour problème de base de sa théorie sociale celui de la réduction de la complexité. Il faut entendre par là la réduction des possibles. C'est ce problème que Luhmann qualifie comme celui de la possibilité de l'ordre social. Ce problème de base consiste en la question suivante. Comment pouvons-nous être les uns vis-à-vis des autres, suffisamment prévisibles dans notre comportement, pour que nous puissions ainsi accorder nos attentes les unes aux autres? La question est ainsi de savoir comment nos attentes peuvent se généraliser, cette généralisation permettant une stabilisation de ces dernières. Alors, on définira ici de manière minimale la notion d'attente, là je cite Luhmann, comme la sélection d'un répertoire de possibilités d'après lesquelles on peut mieux et surtout plus rapidement s'orienter. Là, je cite une définition qui se retrouve dans le chapitre sens de systèmes sociaux. Une attente généralisée est quant à elle une attente qui vaut avec une certaine indépendance, je cite, des événements concrets auxquels elle se réfère. De la sorte, ces attentes ne se voient pas déçues et modifiées d'un instant à l'autre et permettent aux individus de ne pas vivre dans un monde social totalement incertain. Par ces attentes, les individus sont en mesure de former des attentes relatives au comportement futur des autres individus. Et ces attentes constituent pour Luhmann les structures des systèmes sociaux. Par ces structures, les systèmes sociaux, composés selon Luhmann d'événements que sont les communications, peuvent reproduire ces mêmes éléments. Par ces attentes généralisées, les systèmes sociaux parviennent à connecter les unes aux autres ces communications et ne disparaissent pas sitôt cette communication produite. Alors, on fera remarquer ici que Luhmann s'inspire de Parsons, mais il prend ses distances avec la formulation parsonienne du problème. En effet, Parsons s'intéressait également au problème de la complémentarité des attentes, tout quelque chose de commun ici. Mais en fait, Parsons ne s'intéressait pas tant à la question de savoir comment nos attentes pouvaient se généraliser et par là se stabiliser. Il s'agissait d'abord pour lui de savoir comment nous pouvions être liés les uns aux autres, c'est-à-dire être obligés, être liés les uns vis-à-vis des autres. Ici, on retrouve donc l'idée de contrôle social à laquelle la notion d'attente se trouve subordonnée ici, dans ce cas, chez Parsons. Ce qui prime chez Luhmann, par contraste, c'est le problème de la généralisation des attentes. De ce fait, ces dernières ne se voient pas indissociablement liées à la notion de norme ou de contrôle social. Dans la théorie luhmannienne, les normes sont ainsi conçues comme l'un des types d'attentes pouvant structurer les systèmes sociaux. Luhmann part sur ce point de la distinction qu'il trouve dans un article de Johann Galtung qui s'intitule « Expectations and Interaction Processes », article rédigé en 1959. Et Johann Galtung propose la distinction entre attente normative et attente cognitive. En quoi consiste le critère de distinction de ces attentes ? Il consiste dans la disposition à apprendre, qu'appelle Lernbereitschaft. Ce qui différencie ces deux types d'attentes, c'est la manière dont elles réagissent à ce qui les déçoit, c'est-à-dire à ce qui les contredit. Dans la situation où, lorsque cette attente est déçue, cette attente ne se modifie pas, mais se maintient, on appellera cette attente normative. Dans le cas où elle se modifie et elle s'adapte à la nouvelle situation, on l'appellera cognitive. Cette distinction peut, selon Luhmann, correspondre à la dichotomie qu'il appelle dichotomie ontologique absolutisée entre ce qui est, l'être, et ce qui doit être, le devoir, Sollen. Dans le cas de l'attente normative, cette attente ne se modifie pas lorsqu'elle est contredite et on comprend qu'elle enjoint celui qui a contrevenu à cette attente à modifier son comportement de manière à ne plus contredire cette norme. Dans le cas de l'attente normative, on enjoint celui qui l'a contredite à adapter lui-même son comportement à l'attente. Dans le cas de l'attente cognitive, cette attente ne se modifie pas, elle s'adapte à ce qui est, c'est-à-dire au comportement qui contredit cette attente. De ce fait, dans le cas des attentes cognitives, l'individu est laissé libre de se comporter comme il l'entend. Luhmann considère ainsi trouver là une solution à la question de la possibilité de l'ordre social moderne. Par cette reformulation de cette question de l'ordre social, il découvre des outils conceptuels qui lui permettent de ne plus recourir immédiatement à la notion de norme, ou du moins à l'idée d'un contrôle que la société devrait exercer sur l'individu pour rendre compte de l'ordre social moderne. Avant de voir comment il opère précisément, je voudrais poser ici une question. On peut se demander si Luhmann, ici, ne déplace pas le problème de l'ordre social plutôt qu'il ne le résout. Il pourrait sembler au premier abord que Luhmann n'affronte pas le problème de l'ordre social compris comme celui de la résolution ou de l'atténuation des conflits au sein d'une société. Néanmoins, Luhmann, on se souvient, en vient à situer la cause principale du conflit au sein des sociétés modernes dans les normes et dans la morale elle-même. Aussi, la solution à ce problème consiste seulement à penser une société dans laquelle les normes et la morale ne se verraient plus accorder le même rôle qu'auparavant. Or, le problème de la réduction de la complexité n'est certes pas équivalent à celui de l'atténuation des conflits, mais permet d'entrevoir des solutions à ce second problème. Il s'agira de trouver une manière dont les attentes peuvent se généraliser sans que pour autant cette généralisation repose sur des normes, mais soit normative. Par là, on aurait trouvé des éléments de réponse au problème de la résolution ou de l'atténuation du conflit. Reste cependant à savoir si cette réduction de la complexité peut se produire sans qu'un contrôle social soit exercé sur les individus. Donc, demandons-nous tout d'abord si la généralisation des attentes peut reposer sur les seules attentes cognitives. L'un des systèmes au sein duquel la généralisation des attentes repose principalement sur les attentes cognitives est le système économique, selon Luhmann. À cet égard, on fera remarquer la chose suivante. Après la publication de systèmes sociaux, Luhmann va procéder, je ne sais pas si vous savez, à la publication d'ouvrages consacrés aux différents sous-systèmes fonctionnels que sont l'économie, le droit, la religion, l'éducation ou l'art. Et à cet égard, l'ouvrage Systèmes sociaux porte, si on peut dire, mal son titre, puisque Luhmann, dans cet ouvrage, ne se penche pas sur les différents systèmes sociaux différenciés eux-mêmes. Il ne précise pas la logique propre à laquelle chacun obéit. Mais il présente une théorie sociale générale, que Luhmann considérait en fait comme un prélude à l'étude à chaque fois spécifique des systèmes fonctionnels eux-mêmes. Et il me semble que l'on ne doit pas négliger que la première des études publiées à la suite de systèmes sociaux est consacrée au système économique. Systèmes sociaux publié en 84, et le livre Die Wirtschaft der Gesellschaft, donc consacré exclusivement au système économique, paraît en 88. C'est-à-dire donc qu'après avoir vigoureusement critiqué la place centrale accordée aux normes par ses prédécesseurs dans systèmes sociaux, Luhmann va d'abord publier un ouvrage consacré au système qui, selon lui, permet le mieux de montrer que les attentes cognitives peuvent être au fondement de l'ordre social moderne. Et dans cette perspective, on se souvient que dans la préface à l'ouvrage de Durkheim, Vision du travail social, Luhmann considérait que Durkheim ne disposait pas des outils conceptuels nécessaires pour trouver une solution satisfaisante au problème de la possibilité d'ordre social moderne. Et dans cette même préface, il reproche à Durkheim de n'avoir pas exploité les ressources que lui offrait le champ économique. Là, je cite Luhmann, Durkheim aurait laissé de côté, je cite, la médiation dans presque tout travail important de l'argent et le fait que les interactions liées à la morale ont été largement remplacées par des interactions liées à des organisations ou à des prix. Et cela, s'exclame-t-il, dans une théorie qui prend pour thème la relation qu'entretiennent la division du travail et la morale. Dans Systèmes sociaux, Luhmann revient sur cette relation entre morale et économie et considère que les sociétés modernes ne reposent plus en dernière instance sur la morale. Et il dit « On peut alors se dispenser de l'estime, l'évaluation des capacités de travailler et de la solvabilité suffisent. » Il conclut « Adam Smith écrit sa théorie économique sans l'inclure dans son œuvre majeure, sa théorie des sentiments moraux. » Il s'agit bien de montrer que l'ordre social ne dépend plus désormais d'un contrôle que la société et la morale, exerce sur les individus. L'ordre social ne repose ainsi plus principalement sur les normes et la morale, et le champ économique moderne nous permettrait de montrer dans quelle mesure cela est possible. Dans cette perspective, Luhmann, plus loin dans Systèmes sociaux, insiste sur le fait que la généralisation des attentes repose désormais plus sur des attentes cognitives et prend, entre autres, pour exemple, le système économique, je le cite. D'innombrables attentes de comportement sont directement sécurisées, c'est-à-dire généralisées, par la cognition. Sans elles, la vie sociale ne saurait pas fonctionner. Cela vaut surtout pour tout ce qui, d'après notre expérience, est impossible. Par exemple, être à deux endroits différents en même temps, participer à différentes séances de réunion. Mais aussi pour une multitude de signaux auxquels on réagit en en étant conscience. Par exemple, l'augmentation des prix ou du trafic, ou ce qui n'est pas le moins important, la facticité constante de sa propre mort. Donc, s'interroger sur cette généralisation des attentes reposant seulement sur la cognition. Selon Luhmann, dans Die Wirtschaft der Gesellschaft, donc l'ouvrage consacré à l'économie, la dimension cognitive de ces attentes est ce qui explique que le système économique présente une combinaison d'instabilité et de reproductibilité. Qu'est-ce que ça signifie si l'instabilité? D'où vient-elle? En fait, l'instabilité du système économique ressortit au fait que ce dernier, le système, prend acte de l'augmentation de la contingence au sein des sociétés modernes, c'est-à-dire de la variabilité dans les modes de vie des individus. Mais le système économique parvient également à produire une stabilisation des attentes. Pas seulement instabilité, mais aussi stabilisation. Et là, je cite Luhmann, qui donne la clé de son explication. Ici, c'est, je le cite, « À l'aide des prix, on peut s'informer sur les attentes de paiement. On peut donc observer comment les autres observent le marché et on peut, en particulier, à l'aide des changements de prix, reconnaître être des tendances, c'est-à-dire que par les prix, on accède aux attentes des autres. Ici, l'idée importante, donc, comme je viens d'indiquer, pour saisir comment les attentes se stabilisent au sein du système économique, est celle de réflexivité des attentes. Luhmann, là je reviens à systèmes sociaux, dans le chapitre qui était consacré aux structures des systèmes sociaux, donc à ces attentes généralisées, montrait que ces attentes généralisées ne peuvent se former que si les attentes deviennent réflexives, c'est-à-dire que si elles consistent en des attentes d'attentes. Là, je le cite. Donc, dans le cas des systèmes sociaux, les attentes sont la forme temporelle dans laquelle les structures se développent, mais en tant que structure des systèmes sociaux, les attentes n'acquièrent une pertinence sociale, et donc une adéquation, que si, de leur côté, elles peuvent être attendues, que si elles sont réflexives. C'est-à-dire que ce n'est que de cette manière qu'elles peuvent se généraliser et, se faisant, se stabiliser. Comment explique-t-il cela ? Je le cite. Cette réflexivité prévient les systèmes sociaux de se former comme de simples chaînes réactives dans lesquelles chaque événement en appelle un autre de façon plus ou moins prédictible. En fait, la réflexivité de l'attente permet des corrections au plan de l'attente elle-même. C'est-à-dire que sans cette réflexivité des attentes, chacun changerait d'un instant à l'autre ses attentes. Donc c'est grâce à elle qu'on est en mesure de généraliser ses attentes, de les stabiliser, de ne pas les changer d'un moment à un autre. Néanmoins, donc c'est comme ça que le système, c'est sur ce mécanisme-là que les attentes au sein du système économique pourraient se généraliser. Je voudrais ici avancer une objection, une difficulté en fait présente dans la théorie de Luhmann elle-même. Car en effet, il semble que dans certaines pages de Die Wirtschaft der Gesellschaft, cette réflexivité des attentes devient elle-même un obstacle à la généralisation des attentes. Je vais expliquer pourquoi. Mais ce qui semblait être le moyen de généraliser ces attentes devient un obstacle. Dans le troisième chapitre de ce livre, Der Markt als innere Umwelt der Wirtschaftssystem, Luhmann revient plus précisément sur ce phénomène d'observation, d'attente. Luhmann considère que cette observation pose problème dès lors que chacun tâche de réagir, je cite, de manière anticipatoire par rapport aux données du présent. C'est-à-dire ici que l'idée principale avancée par Luhmann est que cette observation, lorsqu'elle est relative au futur, provoque de l'indécidabilité. Alors, une telle remarque peut surprendre. Si je me réfère à l'attente d'autrui pour déterminer le contenu de mon attente, c'est afin de me représenter un futur moins incertain. Il faut ici se contredire, Luhmann. Donc ici, ce serait intéressant de se pencher sur l'exemple que Luhmann propose. Là, je le cite. Lorsque tous les prestataires supposent que l'on paiera pour un bien un prix qui leur sera avantageux, cette supposition est fausse, car elle mène à une surproduction. Lorsque tous les prestataires supposent que l'on ne paiera pas pour un bien un prix qui leur sera avantageuse, cette supposition est vraie, car elle ne mène pas à une production. Cela signifie que chacun anticipant les anticipations des autres prestataires, il leur sera impossible de savoir s'ils se tromperont ou non en produisant ce bien. Impossible de savoir. Et la seule stratégie pour laquelle un entrepreneur, un prestataire peut alors opter est, selon Luhmann, ce qu'il appelle la robustesse, Robustheit. C'est-à-dire qu'un agent économique agira, là je suis Luhmann, de manière rationnelle, s'il sera capable de surmonter, je le cite, les erreurs des autres et ses propres erreurs. Luhmann veut par là notamment mettre en évidence qu'un calcul des risques s'avérerait être un comportement complètement irrationnel. Parce qu'on est dans un contexte d'indécidabilité, on ne peut pas calculer les risques ici. Donc, à partir de cette remarque, on serait amené à se demander si nos attentes comportementales peuvent être assurées uniquement par la cognition. Voilà pour la généralisation des attentes qui sera assurée uniquement par la cognition et une des objections qu'on pourrait, une difficulté qu'on pourrait trouver dans la théorie luhmannienne. On passe maintenant à mon troisième moment pour revenir sur la notion de norme et pour voir que Luhmann n'en vient pas cependant à affirmer non plus que la généralisation des attentes ne repose que sur la cognition. C'est-à-dire qu'il évacuerait tout rôle des normes dans, pour rendre compte de l'ordre social moderne. Cependant, les normes qui structurent certains systèmes sociaux, et on pensera principalement ici au système juridique, n'opèrent plus du tout de la même manière au sein des sociétés modernes. Luhmann, ici, s'attache à montrer que les normes qui structurent le système juridique ne peuvent plus être l'expression d'un contrôle de la société sur l'individu, et ne peuvent donc plus être établies par ce contrôle social. Ainsi, paradoxalement, ces attentes ne peuvent pas se généraliser en raison de leur dimension normative. Traitant des mécanismes par lesquels se stabilisent les attentes juridiques dans l'article Normen in Soziologischer Perspektive, Luhmann insiste sur le fait que la stabilité de ces attentes normatives ne repose pas, je cite, sur l'expérience de leur qualité de devoir, Sollqualität, par leur caractère normatif. Si ces attentes, ça va être un peu surprenant, premier abord. Si ces attentes ne sont pas systématiquement déçues et parviennent de ce fait à se stabiliser, ce n'est pas d'abord parce que chaque individu se sentirait tenu de les respecter, c'est-à-dire de ne pas y contrevenir. En tant que telles, c'est-à-dire dans leur aspect normatif, les normes sont bien plutôt source de conflits au sein des sociétés modernes. En ce sens, Luhmann envisage un mécanisme de généralisation des attentes normatives qui ne repose pas sur leur caractère normatif. Et Luhmann indique explicitement que ce mécanisme, qu'il va mettre au jour, fournit d'ailleurs une réponse au problème de la résolution, ou du moins de l'atténuation des conflits au sein des sociétés modernes. Alors c'est quoi ce processus ? Le processus sur lequel repose la stabilisation des attentes est appelé institutionnalisation, comme je l'avais esquissé en introduction. Luhmann considère que pour que des normes puissent être considérées comme des normes de droit, il est nécessaire que s'y ajoute un consensus, c'est-à-dire que chacun donne son approbation à ces normes. Mais il faut préciser ici de quel consensus il peut s'agir. Notamment, plus précédemment dans la légitimation par la procédure, dans le chapitre sur la positivation du droit, Luhmann indiquait que les normes juridiques devaient s'adapter, je cite, à l'augmentation de la complexité et donc de la variabilité des conditions de vie naturelles, psychiques et sociales. Comme il a été indiqué plus haut, il s'agit bien là d'un produit de l'évolution de la société. De ce fait, la validité des normes, le fait qu'elles soient adoptées, suivies, ne peut plus reposer sur un consensus effectif, c'est-à-dire sur une convergence effective des prises de position. C'est comme ça qu'il définit consensus effectif. En quoi peut donc consister ce consensus, dès lors qu'il ne consiste pas en un consensus effectif ? Eh bien, il s'agit d'un consensus fictif, c'est-à-dire d'une fiction de consensus. Et il s'agit là de l'œuvre du mécanisme d'institutionnalisation que Luhmann décrit de la manière suivante. Donc là, il revient sur le fait que les institutions ne reposent pas sur la convergence effective des prises de position, c'est-à-dire sur un consensus effectif, mais il dit que les institutions reposent sur le fait que l'on réussisse à exagérer cette convergence, ce consensus. Leur perpétuation, je le cite, est garantie tant que tous présument que presque tous donnent leur approbation, voire même éventuellement lorsque presque tous présument que presque tous donnent leur approbation. C'est-à-dire que si chacun en vient à approuver ses normes, ce n'est que parce qu'il croit que la majorité des autres individus donnent son approbation. De ce fait, selon Luhmann, la stabilité des attentes normatives ne repose pas sur l'expérience de leur qualité de devoir, comme j'ai indiqué, Sollqualität, mais sur leur caractère d'évidence, ne présentant pas d'alternative. Là, je les cite. De ce fait, les individus suivraient ainsi ces normes, non pas en raison de leur dimension objective, mais en raison seulement de leur caractère évident. Par ce phénomène de croyance croisée. Pour finir sur ce point, ce sera ma conclusion, je voudrais soulever une des difficultés que présente selon moi cette proposition, cette solution. Si, alors, en quoi consisterait cette difficulté ? Si le mécanisme d'institutionnalisation ne suppose pas, au moment où il s'enclenche, un consensus effectif, néanmoins, si la plupart des individus ne conformaient pas leur comportement à ces attentes, les autres en viendraient en fait rapidement à se rendre compte du caractère fictif du consensus sur lequel le mécanisme reposait. Or, comment comprendre cette conformité à la norme, le fait qu'ils l'adoptent effectivement dans leur comportement ? Ici, il faut, à mon avis, creuser le sens de cette évidence, Selbstverständlichkeit, caractère d'évidence que présentent les normes, et qui expliquerait pourquoi les individus en viendraient à suivre ces normes, c'est-à-dire à ne pas les contredire. La question que je souhaiterais ici poser est la suivante. En quoi le fait qu'un individu présume que la plupart des autres individus qui sont en sa présence approuvent ces mêmes normes permet-il d'expliquer pourquoi chacun en vient à se conformer à ces normes ? Qu'est-ce qui explique cela ? Donc, en quoi consiste précisément cette évidence des normes ? Et là, il y a un élément de réponse dans les textes de Luhmann lui-même, qui ressemble comme un grain de sable dans les rouages, qui nous intéresse particulièrement ici. Et là, je cite Luhmann. Celui qui reste sous le couvert de l'institution, celui qui s'y abrite, peut se sentir en sécurité. Par contre, celui qui ose en sortir est astreint à une représentation de soi dangereuse et s'expose à une fin de non-recevoir. Ici, Luhmann, selon moi, indique que la majorité des individus en viennent à agir en conformité avec les normes ainsi institutionnalisées pour ne pas mettre en danger la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes. Ici, il semblerait que les mécanismes qui, on l'a vu, caractérisaient la morale interviendraient en fait ici de manière subreptice. On voit ici en effet ressurgir l'idée d'estime, de mésestime ou d'approbation, désapprobation de mon comportement par autrui. Et que donc ces mécanismes interviendraient ici de manière subreptice pour assurer la stabilisation des attentes normatives au sein du système juridique. Donc ici, sans contrôle social, il semblerait en fait, selon Luhmann, que les normes juridiques ne pourraient pas être suivies. Je vous remercie. Merci Eva pour cette riche présentation. Je laisse la parole pour les questions. Je vais bien ouvrir The Durkheim. Alors, pas du tout dans le sens défendre un Durkheim contre les usages qui pourraient en être faits, mais pour mieux comprendre ce que fait Luhmann dans la lecture qu'il propose de Durkheim. Je me demandais en fait en t'écoutant, donc si j'ai bien compris, les normes relèvent entièrement d'une normativité mécanique, qui sont du côté de ce qu'il y avait avant et ne peuvent relever, en tout cas dans la première partie de ton exposé, des sociétés modernes. Et je me demandais ce que Luhmann fait de ce qui compose chez lui ce qu'on pourrait appeler une normativité organique, du type que fait-il de la religion de la personne humaine, que fait-il du droit contractuel, que fait-il de la réforme corporative qui sont précisément des normes ne pouvant être assimilées à une forme de contrôle social simple qui viserait l'uniformité morale. Voilà, ça c'était la première question. Et donc c'est vraiment une question de curiosité, qu'est-ce qu'il fait de ces objets durkheimiens ? Et la seconde question qui est corrélative, est-ce qu'il connaît, et est-ce qu'il a lu, est-ce qu'il a commenté les leçons de sociologie où Durkheim développe et défend pour les sociétés modernes ce qu'il appelle un particularisme moral ou un particularisme normatif, et au sein duquel précisément la pluralité des normes et des sous-groupes institutionnels qui sont à la source de ces normes, par le conflit entre ces différentes normes, génère la liberté individuelle moderne. J'irai voir pour la deuxième question. Donc a priori, il n'utilise pas ce... Parce que là, ça contredit vraiment la version qu'il donne de Durkheim. Oui, oui. De toute façon, Luhmann considère qu'il s'intéresse principalement à ce que Durkheim présente de la vision du travail social. Ok. Et après, s'il y a des passages où il se réfère au problème de la sociologie, mais choisis vraiment, c'est dingue. Parce que c'est instructif de voir que c'est surtout sur... Alors, pour eux, parce que la personne humaine, le droit contractuel, la réforme corporative, c'est dans la division du travail social, donc qu'est-ce qu'il en fait ? Il n'en parle pas, mais... Ça, il n'en parle pas précisément. En plus, de fait, je crois que le... pense oui peut-être une normativité organique mais elle fonctionne pas, chacun suit ses propres normes et ça crée. Donc oui en fait de fait il en reste quand même à une conception de la normalité mécanique. J'ai l'impression. En fait il est un peu en... Norme égale contrôle social égale société en fait. Il est un peu coincé parce que en fait lui sa conception de la modernité c'est pas le même modèle de différenciation parce que ce que j'ai compris pour Luhmann, les sociétés modernes se caractérisent par le fait que chacun remplit des fonctions différentes. Plusieurs fonctions différentes dans différents sous-systèmes, chacun a plusieurs rôles. Et moi, j'ai tendance à penser que la description que propose Durkheim de la société moderne, pour lui, Luhmann, ça correspondrait plutôt à une société plus ancienne. C'est ça qui est... C'est un peu étrange. Parce qu'en fait, il en vient parfois à dire oui, dans la société moderne, les normes produisent de conflits parce que chacun suit sa propre norme. Et puis en fait, il fait des ventes, il fait ouais, quand même, dans les sociétés anciennes, ça en provoquait quand même un petit peu parce qu'ils se différenciaient quand même déjà. Donc sur ce point-là, il n'est pas très clair en fait. C'est sûr que sur ce point-là, pour lui, la norme, au sens qui exercerait un contrôle social, est forcément mécanique. Mm. Ça, c'est ce que j'ai compris pour l'instant. Le problème, c'est qu'il a écrit beaucoup. Il a écrit tellement. Je crois qu'il y a un problème dans votre exposé. C'est que vous ne thématisez pas l'évolution de la pensée de Luhmann. Parce que Luhmann a évolué beaucoup, il a écrit beaucoup. Par exemple, sur le droit, je dirais que le livre le plus important, c'est la sociologie, c'est pas social et système. Okay. C'est ce que j'ai cité en fait. C'est la sociologie du droit qui est le livre le plus important de la première partie, avec aussi l'Égitimation de Feuffard, même que d'autres livres. Mais sociologie du droit, c'est fondamental. C'est là où il présente justement la distinction entre expectative et cognitive, expectative normative. Mais ensuite, cette distinction entre expectative normative. Le cognitif n'est plus tellement important parce qu'il change. Vous savez qu'il y a un moment où il change de façon presque radicale, je dirais, et il développe cette théorie de l'autopièce. Donc, et les droits, c'est. Il y a une continuité, bien sûr, c'est une théorie systématique, c'est toujours le système qui est là, mais le système n'est plus un des systèmes de la théorie du système, par exemple, de la sociologie du droit. Qui se structure par exemple avec l'expectative cognitive et normative, c'est une autre chose, c'est beaucoup plus lourde comme théorie, avec aussi plus ambitieuse. Donc il faudrait, je crois, pour comprendre le droit, décrire la dynamique des systèmes autopoïétiques. C'est plus la distinction entre expectative cognitive et expectative normative le centre de sa pensée juridique, de sa pensée sur la norme même. La norme disparaît, c'est une autre chose. Il y a un changement très fort. D'accord, je ne sais pas si vous. Mais je vous disais par exemple. Mais Das Recht der Gesellschaft, c'est une autre chose, ce n'est pas la règle sociologique. Alors, la distinction cognitive normative est vraiment Das Recht der Gesellschaft. Oui, bien sûr, mais c'est dans un contexte. Dans système sociaux, c'est là qu'il introduit toutes ces notions d'autopoïesis. Et dans ce même ouvrage, il place au cœur, dans le système de structure étanche, au cœur de cet ouvrage, la dimension cognitive et normative. Et c'était en 84. En 83, il republie Reich Sociologie. Et dans la préface à cette seconde édition, il dit « je le republie comme tel ». Ça veut dire qu'au moment où, quasiment au même moment où il publie Systèmes sociaux, et là il fait toute sa théorie de Topoïès, il republie l'autre et il dit « je n'ai rien à changer ». Donc, il ne s'agit pas de passer de considération à un autre qui serait indépendant l'une de l'autre. En plus, toute cette question de distinction entre attente cognitive et normative est importante pour cette question du contrôle social. Et selon Luhmann, sa théorie des systèmes autopoïétiques est vraiment un outil pour penser en fait cette diminution du contrôle social dans la société. Dans systèmes sociaux, parce qu'en fait son concept d'autopoïesis l'amène à considérer donc, les individus dans l'environnement du système social. C'est ça, le système social se différencie de son environnement, l'environnement, ce sont les individus. Et il en vient explicitement à dire... Les individus sont le même système aussi. Pardon ? Un individu a un système aussi. Oui, mais le système social se différencie des systèmes psychiques, que sont les individus. Et dans systèmes sociaux, Luhmann en vient à dire, moi je place les individus dans l'environnement du système social, justement pour leur conférer plus de liberté qu'on le faisait auparavant. C'est-à-dire pour penser cette particularité de la modernité qui est qu'elle se caractérise par moins de contrôle social sur les individus. Donc les deux sont indissociablement liés. Et ça, il le redit encore dans les textes qui retranscrivent ses cours. Plus de liberté par ces termes-là ? Oui, je peux retrouver la citation. Comme ça, il peut concéder plus de liberté aux individus. Et dans Einführung des Systems Theorien, qui sont les cours de Luhmann, et là il reprend tous ces concepts d'autopoïesis, il revient pas à pas sur tous ces points-là, il dit toutes ces conceptions, ces développements sur l'autopoïesis, etc., me donnent la possibilité de penser à un individualisme radical. Et là, on trouve dans ce texte des éléments qui font vraiment écho avec ce qu'il indique dans le passage que j'ai cité de systèmes sociaux. Vous savez qu'il était en faveur de la torture. Vous avez lu l'article sur la torture, la sa conférence à Heidelberg sur la torture ? Non, et pourquoi ? C'est parce que c'est sur le nord aussi, et sur l'individu. Bon. Donc il défend, il dépasse la torture. Je dis qu'il y avait son projet, j'ai pas dit qu'il le réussissait, mais en tout cas, pour moi, dans son projet, les deux sont vraiment liés. Individualisme radical, en quel sens ? C'est ça, parce que ce qui me surprend un peu, c'est que, bon, moi j'ai toujours... lu Luhmann comme un auteur radicalement anti-humaniste, anti-subjectiviste, qui essaye à tout prix d'éliminer tout ce qui lui apparaît comme des fantasmes où elle va chercher les... Parce qu'on peut très bien concevoir un individualisme qui, pour autant, ne soit pas du tout un individualisme de la liberté individuelle ou quelque chose comme ça, mais une sorte d'individualisme méthodologique radical qui donc, à la fois, évite toute hypostase des entités collectives, et là on est tout à fait à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire tout à l'heure, mais qui en même temps ne conçoit pas l'individu comme un centre autonome, libre, etc. Voilà. Bah, quand même, les phrases que j'ai citées là, de la préface à la vision du travail social, c'est quand même, ça va franchement... Je n'ai pas lu ce texte. Bah, ce que j'ai cité au tout début, quand Luhmann dit effectivement que son problème, c'est comment des individus qui agissent de manière indépendante, qui sont aptes à prendre des décisions, peuvent-ils constituer une relation sociale ? En d'autres termes, comment l'ordre social est possible alors que les individus peuvent choisir chacun pour soi leurs actions ? On est quand même en plein dedans. Alors, juste la citation de systèmes sociaux... Après qu'il y arrive ou pas, c'est une autre question, mais il dit, en différenciant systèmes sociaux et systèmes humains, il dit « De plus grandes libertés sont concédées à l'être humain en relation à son environnement, en particulier des libertés à un comportement irrationnel et immoral. » Mais bon, il n'y a pas beaucoup... j'ai cherché, hein, mais... C'est les libertés. Bon, en tout cas, moi je... Vous voyez, mais... Ouais. Non, parce que j'ai du mal à concevoir Luhmann comme quelqu'un qui croit à la liberté de la volonté, etc. Il passe son temps, au contraire, à dire, mais tout ça, ce sont des phénomènes de surface ou des mécanismes de fonctionnement du système. Il faut que je croie à ma liberté pour... Mais les libertés, c'est autre chose. Il faut lire aussi l'article sur l'individu dans... que ça cherche surtout un sémantique. Aussi, il y a des éléments là-dessus. Vraiment, l'individu devient son propre point de référence. Il est plus soumis à une logique sociale. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'individu dans la théorie de l'humain, de toute façon. On peut discuter. Jean. C'est Il y a des systèmes, mais les systèmes ne sont pas des individus. Bon, c'est autre chose. C'est juste pour savoir si je comprends bien, quand tu parles de généraliser les attentes, est-ce qu'il faut l'entendre uniformiser les attentes? Là, c'est généralisation d'un instant. Hein. Ça veut dire que mon attente ne va pas être contredite dans un instant. Après, ça implique, un sens secondaire, ça implique peut-être forcément une généralisation, parce que, au sens d'uniformisation, parce qu'il faut que les individus aient les mêmes. À peu près, on n'en vient pas à contredire. Ça, c'est une question que je me pose en ce moment. Mais il y a des chances. Bon. Et une nouvelle fois, le problème des croyances croisées pour justement fonder. Là, moi, je réapplique Lewis, alors totalement. Le concept de convention, puisqu'il nous dit tout le monde s'y conforme, tout le monde pense ou attend plus précisément que les autres s'y conforment. J'ai un intérêt à m'y conformer si tous les autres s'y conforment. J'aurais un intérêt à me conformer à autre chose si les autres se conformaient à autre chose. Et j'ai une préférence pour que les gens se conforment. Cette idée-là, l'idée de croyance croisée, l'idée de... Il y a une certaine forme de sécurisation, on pense justement à tout ce qui a été fait également en économie cognitive sur sur tout ce qui concerne les concours de beauté et puis les méta-coordinations. On s'est rendu compte que les individus se coordonnaient mieux au méta, donc au niveau de ce que je pense que les autres vont faire, qu'au niveau de la question directe qui a été posée. Voilà. Dans un concours de beauté, la question n'est pas de savoir qui est le plus beau ou qui est la plus belle, mais qu'est-ce que les autres vont penser. Et on se rend compte que les gens se coordonnent mieux à ce niveau-là. Ce qui est, à ce moment-là, totalement subjectif.